petite fille aux cheveux faussement lissés. Cherche bien fort mon ourson, il en est tout usé. Une allure de poème et mes rimes faciles. Quelques mots de poème, l'exigence d'une santé fragile. Comme le disait mon ami René, couché durant plusieurs mois à mes côtés. Bon, c'est vrai, c'était juste avant qu'il essaie de regarder son programme à la télé, mais... Elle fait que sourire et chanter, cette fille, y'a rien qui peut la faire craquer. Flancher, moi je ne le peux pas, car si je tiens là, c'est pour maman et papa. Tout comme un bon petit soldat, je gobe mes pilules et je bronche même pas. Dans mon service, y'a beaucoup de pleurs, très peu de bonheur. Quand je ferme les yeux, et ben j'ai peur. J'ai décidé de ne faire que rire. Autour de moi, y'a beaucoup de vieux et donc bien pire. Dans mon couloir, y'a pas de malade, enfin je crois pas. Parce qu'on m'a dit pas que la mort, ça ne se soigne pas. Y'a plein de douceur, et même la foi. Mais si je t'assure, on se reverra. Juste à côté de ma chambrée, y'a fait ce gars appelé le miraculé. Un jour, j'ai presque osé lui demander, comme au cinéma, un doux et magnifique baiser. Avant de me le prendre, avant qu'il fuit, je voulais l'apprendre. Il a donc dit, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas très réfléchi. Pourtant, il y a quelques mots qui me faisaient bien envie. Tous les deux, on a écrit l'ode à l'amour, l'ode à la vie. Un peu de jazz et d'ironie, oublier que la vie a bien un prix. D'un jour à l'autre, cela s'est fini. Il a terminé sa prose et a rejoint la sortie. L'élixir, devenu ma dose, chatouille mes sens et trouble mon esprit. Je prends la fuite, je fuis mon lit. Je mets un coup de boule à mon scie et trouve un raccourci. Je me faufile, j'esquive, je parviens à passer à bout de souffle. S'ouvre la porte d'entrée, je suis libre et vivre. Je peux presque respirer. On crève plus quelqu'un préfet, il se permet d'ajouter. C'est bon, c'est fait, maintenant tu peux rêver. Après tout ce qu'on t'a mis, tu l'as bien mérité. Pour le moment, je cours, on ne peut pas m'arrêter. J'ai bientôt la sensation que je vais m'envoler. Je suis en train de goûter ce que beaucoup d'hommes ont hurlé. Le verbe aimer, je pourrais jamais le conjuguer. Je n'ai que si peu de présent, guère plus de passé. Lorsque j'aurai le volet et tout raturé, je m'attaquerai à la haine qui en est son excès. Jusqu'au passé, si sans futur, je veux savourer tous ces secrets et m'enivrer, vagabonder, bafouer mon innocence et recommencer.